En Birmanie, j'étais barman, j'avais des copines birmanes. Quand j'étais forain à Ostende, j'avais des tas de filles au stand, même sur le web. En geek alien, j'ai trouvé quelques italiennes. Maintenant je suis dans la Creuse, je ne peux plus courir la gueuse. J'ai tout ratissé à Guéret, il n'y a que des vieux à Béret. Et ce n'est pas au buisson qu'on baise derrière un buisson. J'étais dans mon 38 tonnes, je me suis fait plein de lettonnes pour se payer une jolie tchèque, même pas besoin de carnet de chèque. Et même sur la blogosphère, tu te dis, laisse le beau gosse faire. Mais je ne trouve pas dans la Creuse la moindre petite, même affreuse. À Aubusson, je fais tapisserie, n'y a que des tourbières par ici. Pas de filles en guêpière cravache sur le plateau de mille vaches. On trouve facile outre-manche de quoi se satisfaire le manche. Pour trouver des filles qui te bottent, tu peux descendre vers la botte. Tu t'en trouves même dans l'école qui viennent de te prendre par le col. Mais tu ne peux pas dans la Creuse faire courir tes mains baladeuses, à moins de trouver excitant des vieilles qui parlent l'occitan. Je suis toujours dans la Creuse, mais sur internet je creuse. En attendant qu'en Birmanie je fasse le barman pour trouver les copines birmanes. Que je fasse forain à Ostende avec des tas de filles.